un mois, toujours avant sa soeur. Mm-hmm. Il n'a jamais quitté sa soeur pour traverser ici là. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi il est venu jusqu'à rester ici là. Depuis qu'il t'a vu, il est toujours derrière moi. Je dis que Thérèse est heureux, puisque je n'aime pas les choses comme ça. Le jour de le 24 là, elle finit la viande. On rentre. Mm-hmm. On rentre, non. Non, c'était avant le 24. Elle finit la viande, on rentre. Thérèse est devant. Je suis derrière. Le petit frère. Thérèse s'avance. Il dit quoi? C'est vous qui dérangez les gens ici dehors. Tu laisses ta femme, tu viens me déranger. Avec tous les maladies qui sont ici dehors, là, tu vas verser ta maladie sur moi. Il dit que tu comprends ça parce que tu ne me connais pas. Il dit caca. Je m'avance, je pas chez Thérèse. Tu comprends ce que le type fait en train de me dire. Je m'avance comme ça pour que tu causes avant. Tu l'as comme ça. Mm-hmm. Et puis, il dit que je suis le bon. Il veut dire que le petit frère est bien matériellement. Qu'il est bien, mais qu'il ne dérange pas. Mm-hmm. Que c'est le petit frère de telle personne. Tel. Oui. J'ai réfléchi. On se sépare, on passe chez Thérèse, on mange, on se sépare. Mm-hmm. N'est-ce pas? Je pars, non? Oui. Le 24 alors. Je pars là-bas. Quand tu rentres à la maison, comment est ton cœur? En pensant à ces choses-là. Non, je ne pensais même pas. Mm-hmm. Ça manque même les affaires de l'homme, ce n'était pas dans ma tête. Il sait. Est-ce que tu sais pourquoi je suis en train de parler? Est-ce que tu, quand venant à toi, est-ce que tu savais qu'il pouvait toucher ça? Non, je suis en train de parce qu'il y a un problème. Tout le monde t'expliquer le plan de Dieu derrière toi. Oui. Mm-hmm. Quand il a le 24, je pars alors là-bas. Non, tu te rêves. Attends, tu peux voir. Baisse un peu le volume au salon, bah, s'il te plaît. Ma soeur, la souffrance que tu es dedans. La souffrance que tu es dedans. Mmh. Et puis il peut te sortir de la souffrance. Non, il peut te donner quelque chose. C'est vraiment rester avec lui. Rester avec lui pour que les gens ne te regardent plus. Mmh. Et lui, c'est un homme marié. Oui, et il avait divorcé avec sa femme. Je ne savais pas. Oui. Bon. Thérèse, on va parler. On parle, on s'assoit chez Thérèse. Il dit, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant de te séparer de ta femme? Oui. Il m'a expliqué que ma soeur, tu me connais parce que le Seigneur seul qui me connaît. Oui. Comme tu me vois là, je suis comme tu me vois là. Mm-hmm. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais demandé même à une femme. Oui. Comme ma femme avait dit celui-là. Mm-hmm. Je suis comme ça. Il dit que devant moi, la femme, zéro. Mm-hmm. En aucun jour. Mm-hmm. Pas de femme. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a envoyé de. Mm-hmm. Donc il dit là que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Il l'a envoyé. Il m'avait dit comme ça là, non. Mm-hmm. Il parle comme ça, il a été flatté, il te flatte ton cœur aussi, en de prendre le coup. Oui, il a dit comme ça, nous sommes montés. On passe, on part au bas à Emumbo, on monte là-bas, mm-hmm. on s'assoit. Mm-hmm. Est-ce qu'il avait même l'argent? Il n'avait pas l'argent, mm-hmm. parce qu'il avait eu les problèmes. Mm-hmm. On dit que où c'était passé comme ça, c'est quelqu'un qui avait l'argent. Mm-hmm. Mais l'argent était fini comme ça. Puisqu'il m'avait expliqué que son père était un bourgeois à son lima, il avait l'argent. Mm-hmm. Et c'était un enfant qu'on la chérit trop là. Il s'est marié avec sa femme. Quand la femme prenait l'argent, la femme partait donner qu'à sa famille. Sa famille oui. Quand la femme prenait, comme il avait tellement confiance à la femme là, mm-hmm. la femme prend l'argent pour aller donner chez le marabout pour faire les parties oui. sur l'homme. Mm-hmm. Jusqu'à ce moment, quand l'homme était, il avait quatre enfants, mm-hmm. l'homme était tombé malade. La femme abandonnait l'homme. Mm-hmm. Il partait que dehors. Quand ses amis venaient donner l'argent mm-hmm. pour qu'il prépare même à manger aux enfants et regarder son mari, mm-hmm. Il a porté la maladie, je ne peux même pas le suivre. La femme qui non. La femme qui. L'autre jour, sa soeur qui descend Lima. Oui, maman. Il dit que sa soeur qui. Comme il était malade là, sa soeur qui descend Lima. Okay. Où on venait. Accepte. Eh bien, on porte, il porte son frère pour aller à l'hôpital. On a vu que c'était. Donc, fièvre typhoïde qui remettait son frère. Il a porté son frère pour amener ensemble Lima. On a fait le remède. La femme n'avait pas son temps. Mm-hmm. Dès qu'il est rentré, son voisin dit que, ouais, la façon dont tu as souffert ici, la femme ne t'a même pas dit, ne t'a même pas regardé. Elle t'a seulement insulté que tu as le sida. Mm-hmm. Toi, tu viens encore de servir avec elle. Mm-hmm. Hein? Parce que tu vas chercher encore l'argent, il va prendre pour aller donner chez les marabouts pour qu'on t'attache. Tu dis, non. Mm-hmm. Qui s'est ment mm-hmm. L'homme est quitté comme ça, sans rien. Il n'a rien pris. Rien. Allez, il est monté à Yaoundé. Comme vous étiez à vocation, il avait l'argent, mais il ne connaissait pas gérer l'argent. Parce qu'il m'avait dit que quand il avait l'argent, quand il est parti chez sa soeur, il a resté sans rien. Quand on s'est croisé comme ça là, non. Le jour de la fin, on s'est croisé comme ça. Je suis monté à la maison, j'ai dit aux enfants que regardez le type, c'est le beau type, il me poursuit toujours. Je ne sais pas comment le type, s'il veut derrière. Derrière moi.